Salut à toutes et tous, la tribu. Je vous souhaite la bienvenue dans cette 42e Vampire Freaks, l'émission radio. Et c'est Spike qui débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Cette semaine, plein de nouveautés et des vieux titres et du live. Et on commencera en live avec les Guns N' Roses et Welcome to the Jungle. C'est sur le cultissime Appetite for Destruction sorti en 1987. On peut entendre aussi ECZ, Mr. Brownstone et Sweet Child O' Mine. On s'écoutera ensuite Right Now de Korn, c'est sur Take a Look at the Mirror, sorti en 2003. On retrouve Break Some Off, Here It Come Again, Did My Time notamment. Je diffuserai ensuite Walking Proud de The Beatdown, c'est aussi le titre de cet album de 2012. On peut entendre aussi Long Road, Get It Started et The Other Side entre autres. Tiens, première nouveauté de cette émission, le dernier Anthrax, For All Kings. C'est aussi le titre de cet album sorti cette année. On peut entendre Monster at the End, Evil Twin et Zero Tolerance. On a commencé ce bloc en live, alors on finira en live avec les Salles Majestés et Alto Front. C'est sur l'excellent No Problemo sorti en 1987. On retrouve aussi Camarades, Salaud de Pauvre et Que Pend Toujours notamment. You know where you are? introduce the band on the bass guitar, Mr. Duff Rose McKagan. On the drum, Mr. Stephen Popcorn Adler.

Un jour ils viendront, si on résiste pas, qu'à la jeunesse emmerde le Front National. Égalité des peuples, égalité des races, un topo national. Quand je vois la télé, j'ai envie de dégueuler. Son discours de facho me donne toujours la nausée. J'ai nommé Jean-Marie et sa bande de pourris. Oh eh oh, à ton camp national. Oh eh oh, et sa bande de chacals. Oh eh oh, à ton camp national. Oh eh oh, à la haine raciale. Ceux qui votent pour lui ont déjà oublié que ces gens ne savent pas ce qu'est la liberté. J'ai nommé Jean-Marie et sa bande de pourris. Oh eh oh, à ton camp national. Oh eh oh, et la bande de chacals. Oh eh oh, à ton camp national. Oh eh oh, alors, une rotation. Merci, il nous reste encore un peu d'espoir. Vous êtes toujours dans la 42e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Alors on vient de se faire un bon bloc là. Welcome to the Jungle des Guns N' Roses, Right Now de Korn, Walking Proud de The Beatdown, For All Kings, c'était une nouveauté d'Anthrax, Alto Front National en live de The Sale Majesté. Je sais que vous aimez le son live, alors on poursuivra cette émission avec Holiday in France de Lofofora, c'est sur le sublime Lofofora sorti en 1995. On peut entendre No Faso, Justice pour tous et L'Émeute. Je diffuserai ensuite Beau Evil des Slakers, c'est sur le merveilleux The Great Rocksteady Swindle sorti en 2010. On peut entendre aussi Because, Cheating et The Long Way Off notamment. C'est une tuerie cet album. Tiens, ça vous dit d'entendre le nouveau morceau de Doro? Ok, Let's Go to Hell, c'est aussi le titre de cette EP qui vient de sortir. On retrouve aussi It Still Hurts, en duo avec Lemmy qui est décédé peu de temps après l'enregistrement. Et un petit morceau live, Save My Soul. Puisqu'on sera dans la nouveauté, je passerai le dernier Teacup Monster, je les adore. Le single s'appelle Stay Away, l'EP s'appelle The Amazing Teacup Monster. Il est sorti le 10 avril 2016. On peut entendre aussi Communication, Open Your Mind et Stay Away notamment. Et on finira ce bloc en live avec Rammstein et Voltier das Bett in Flammen. C'est du Live aus Berlin en 1998, mais à la base c'est sur l'album Erzeleid sorti en 1995. On retrouve aussi Vices Flash, Doris So Good et Aerotomisch, entre autres, un album magnifique. Sur la son, un gestion, une autre question. I see the writing on

Schlachten sehen. Und ihre Haut und Haare nun zerbieren. Ihr wollt doch auch den Dolch ins Laken stecken. Ihr wollt doch auch das Blut von denen Vous êtes toujours dans la 42e Vampire Freak sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là, All Day in France en live de Lofofora, Boeville de The Slakers, le nouveau Doro, Love's Gone Too Well, le nouveau Teacup Monster, Stay Away et le grand classique de Rammstein, Voltaire Das Bett in Flammenzin en live. J'ai envie de son live ce soir. On continuera cette émission avec Donnez-vous la peine en live de Massisteria. C'est sur le bien-être et la paix sorti en 1997. On retrouve Knowledge is Power, l'effet papillon et Respect to the Dance Floor, entre autres. Vous savez, la Vampire Freak, c'est les grands classiques de grands groupes, mais aussi des groupes locaux ou pas bien connus. Cette semaine, je vous présenterai Nawak de Lille. Ils viennent de sortir un EP, il s'appelle Hip Hop en carton. On retrouve les titres Propollution, C'est qui le papa et MC en carton. Et aujourd'hui, ça sera MC en carton que je vous proposerai. Allez faire un tour sur la page Facebook de Nawak. Alors Nawak, N-A-O-U-A-C-K. Je répète, N-A-O-U-A-C-K. Je parle à l'instant de grand classique Envie d'un Gainsbourg. Je passerai Bana Bassadi Balalo, c'est sur l'excellent Mauvaise Nouvelle des Étoiles, sorti en 1981. On peut entendre aussi Ecce Homo, La Nostalgie Camarade, Overseas Telegram et le surprenant Evgeny Sokolov. On continuera avec L'horreur est humaine de Guérilla Poubelle, c'est sur l'album Il faut repeindre le monde en noir, sorti en 2005. On retrouve aussi Demain il pleut, Culture Poubelle et Exception culturelle et Trafic d'armes. On a commencé ce bloc en live, alors on finira en live avec Nirvana et Aneurysme. C'est sur le live At the Muddy Banks of Whiska, sorti en 1996, mais enregistré entre 89 et 94. On peut entendre aussi Drain You, Smell Like Teen Spirit et Slaver, entre autres. This is a test, this is a test, this is a test. Alors là, il faut tout donner. Donnez-vous la peine. Hey! en 1995. Il y avait le Fofora, Laura les Innocentes, Assyria. Donnez-vous la peine, donnez-vous. Hey, hey, donnez-vous la peine, les furieux. Le bus a fait le bus. Donnez-vous la peine, plus fort. Encore, donnez-vous la peine. Le bus a fait le bus. Aujourd'hui il y a Claudia, Vénus sur scène, Sias, Black Bombay, Loot Blast, qui était là avant tout le monde d'ailleurs. Donnez-vous la peine, donnez, donnez, donnez. Donnez-vous la peine. Le mal, la notion n'est pas sans complexité. Je n'ai pas la prétention d'en éclairer des contours, sinon de nous payer net. Car grâce aux leçons d'enfance, d'adolescence, nous savons désormais. Donnez-vous la peine, donnez. Donnez-vous la peine. Donnez-vous la peine, donnez. De chercher, de renouveler sans cesse les émotions. Donnez-vous la peine, plus fort. Il faut tout donner. C'est pas le moment d'abandonner. Ici Paris 2013, l'Olympia complet. Est-ce que vous êtes prêts? Yeah! Le bien ou le plaisir dans la diversité. Je n'ai pas la prétention d'en éclairer des contours, sinon de la paix qui est nette. J'accorde le son d'enfant d'adolescence. Nous savons désormais. Donnez-vous la peine, donnez. Donnez-vous la peine. Donnez-vous la peine, donnez. De chercher, de renouveler les émotions. Ce soir, on est plein d'émotions. Ce soir, quoi que nous pensions. Ce soir, le plaisir qu'on fut dans la vie. Alors, action! This is the test. Sur ce morceau-là, oh! on est des MC. Quoi? Des MC en carton, on est des MC. Ouais. Des MC en carton, on est des MC. Quoi? Des MC en carton avec un refrain. Un refrain en carton, on est des MC. Quoi? Des MC en carton, on est des MC. Ouais. Des MC en carton, on est des MC. Quoi? Des MC en carton avec un refrain. Ouais. Un refrain en carton. Pour atteindre des sommets, la loupe devra se suicider. Non. Alors une belle chanteuse, on devrait peut-être essayer. Ouais. Ça peut pas venir des textes, on est trop inspiré. Non. C'est un problème de fond, il nous faut une bonne idée. Est-ce qu'on ferait pas un feat avec un chanteur mort, genre Henri Salvador? Je suis sûr qu'il sera d'accord. Ouais. Un jour, on sera disque d'or. Non. Est-ce que vous croyez que le public s'endort? Non, on est en studio, hein, y a pas de public, hein. On est des MC. Quoi? Des MC en carton, on est des MC. Ouais. Des MC en carton, on est des MC. Quoi? Des MC en carton avec un refrain. Un refrain en carton, on est des MC. Quoi? Des MC en carton, on est des MC. Ouais. Des MC en carton, on est des MC. Quoi? Des MC en carton avec un refrain. Ouais. Un refrain en carton. Moi je veux une chaîne en or. Moi j'aimerais les dents qui brillent. Moi je vais me remettre au sport pour plus dormir sur la béquille. Comme quoi ça tient à rien. Pour devenir une star. Un beau look qui va bien. Et adieu la vie crevarde. On deviendra les rois du rap. En rentrant dans l'arène. On jouera les gangsters. Et on aura tout ça en rêve. Avec des bonasses dans un clip, on passe à la télévision. Mais on préfère les mecs en slip. On est des MC en caleçon. Tu t'es trompé. Dialecte bantou. Panabasadi balalo. Trois petits zoulous. Panabasadi balalo. Vous êtes toujours dans cette 42e Vampire Freak sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire Donnez-vous la peine en live de Mass Hysteria, une nouveauté MC en carton de Nawak, Banasadi Belalo de Serge Gainsbourg, et L'horreur est humaine de Guérilla Poubelle et Aneurysme en live de Nirvana. Ça vous dit un Primus en live ? Ben, ça sera Over the Falls. C'est sur le Brown Album sorti en 1997. On peut entendre Fisticuff, Golden Boy et Puddingtine notamment. On s'écoutera ensuite Mon Étoile Rouge du Peuple de l'Herbe. C'est sur l'album Next Level sorti en 2014. On retrouve aussi Soya Green, Le Boom et Classoir notamment. Je diffuserai ensuite Just Say No de Peter Tosh. C'est sur l'album Mystic Man sorti en 1979. On retrouve le morceau Mystic Man, Can't You See et Crystal Ball entre autres. Ça vous tente un petit épica ? Ok, je passerai Unleashed, c'est sur Design Your Universe, sorti en 2009. On retrouve aussi Resign to Surrender, Our Destiny et Kingdom of Heaven. Et on finira ce bloc en live avec les Fields of the Nephilim et From the Fire, c'est sur le Ceremonies Ad Mortem Ad Vitam, sorti le 13 avril 2012. On peut entendre aussi Straight to Light, Shine et Psychonaut, entre autres. Thank you.

to down the walls of depression. Drive away transgression. Clean up the corruption. Set the captives free. Just say no. He will not make Lucifer get your soul to smear. Just say no. Just say no. My father say no. Just say no. He might go tear down the walls of Babylon. Clean up the corruption. Drive away transgression. Rule equality. Of Babylon, eliminate Satan, clean up corruption, rule equality. So I will not bear this cross alone, and all the world go free. Just say no. Just say no. He might come clean up corruption, drive away transgression, tear down Babylon, set the captives free. Set the captives free. Give my name, oh brother, free. Give my name, I'm coming for. Vous êtes toujours dans la 42e Vampire Freak sur votre radio favorite et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire Over the Falls en live de Primus, Mon Étoile Rouge de Peuple de l'Herbe, Just Say No de Peter Tosh, Unleashed de Epica et From the Fire en live de Field of the Nephilim. On continue. Vous êtes nombreux à me demander du Scaramucci. Vous voici exaucé, je passerai Jah Blessing. C'est sur Return de Greg Amuffin, sorti en 2007. On retrouve aussi Rise and Shine, No More Babylon et Stop the War. On s'écoutera ensuite Geometric Address, le nouveau titre de Deftones. C'est sur l'album Gore, sorti au mois de février dernier. On peut entendre aussi Acid Hologram, Xenon et Gore notamment. Je diffuserai ensuite Echoes on the Street de Dropkick Murphys. C'est sur le superbe Meanest Times, sorti en 2007. On peut entendre aussi The Famous for Nothing, Surrender et I'll Begin Again, entre autres. On restera en rock celtique avec LUVIC et The Call of the Mountain. C'est sur le sublime Origins, sorti en 2014. On peut entendre aussi The Nameless, Celtos et Inception notamment. Et on finira ce bloc avec Hérésie de Nine Inch Nails. C'est sur le Download de Spiral, sorti en 1994. On peut entendre aussi Monsieur Self-Destruct, Closer et The Becoming, entre autres. Promise hard times, struggle and no money no run. No food no day a yard and my belly hit a ton. Me can't play my bill, that's why me living on the street. I don't know how Jah help me day fi eat. And to wear the world around me, I tell you things it no sweet. When you have to sleep on the cold concrete, people they ma cry, guns I stop them heartbeat. I pay blood like water flooding out the street. Just send me blessings in a farm of rain. Water the herbs and go wild the grain. Just send me blessings, wash away all me pain. Jah give me power and strength to maintain. Just send me blessings in a farm of rain. Water the herbs and go wild the grain. Just send me blessings, wash away all me pain. Give me the power to maintain. For I was walking and talking with my father, and this is what I pray. To set my people free, to draw for unity, that we could live in this world full of liberty. And I just pray for my people, everything would be alright. That they would stop the fuss, and they would stop the fight. And all come together, we can make it right. So stop the bloodshed, it's time to unite. I send me blessings in a farm of rain. Water the herbs and go wild the grain. Just send me blessings, wash away all me pain. Jah give me power and strength to maintain. Just send me blessings in a farm of rain. Water the herbs and go wild the grain. Just send me blessings, wash away all me pain. Give me the power to maintain. So send me love and send me peace and send me joy and we will. Send me your money because the world are complete. Some know what the love and miss it. Miss it the blood and all around, some of them take it for fun. So we want more love that them can put down the gun. That the kids them want play and all of them want have fun. Them no wanna kill them friends, so everybody have guns. Them no wanna more war till them say it fi done. Send me blessings in a farm of rain. Water the herbs and go wild the grain. Just send me blessings, wash away all me pain. Jah give me power and strength to maintain. Just send me blessings in a farm of rain. Water the herbs and go wild the grain. Just send me blessings, wash away all me pain. Give me the power to maintain. Stop at the steps to body. Blessings it a flow like rain. Just a bless all the grain. Oh, send me blessings, Lord. Just send me blessings in a farm of rain. So send me blessings, Lord. Oh, send me blessings, Lord. Oh, send me blessings in a farm of rain. Just send me blessings in a farm of rain. Water the herbs and go wild the grain. Just send me blessings, wash away all me pain. Power and strength to maintain. Just send me blessings in my farm. the daylight. She don't cry and she don't complain. To honor, cherish, protect and keep you. She took your problems and took your name. All she wants is a star down the island. She don't care if there's wind or there's rain. Only a woman of a statue could shield you from the venom of this town's disdain. And she'll wait by your side. She'll never let you out of her sight. And she'll wait by your side. You're the one thing that matters in her life. On vient de s'écouter Jah Blessing de Scaramucci, Geometric Address, le nouveau titre de Deftones, Echoes of the Street des Dropkick Murphys, The Call of the Mountains de LUVC et Heresy de Nine Inch Nails. Cette 42e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Je vous remercie pour tous vos anti-messages d'encouragement que vous me laissez sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Je suis d'humeur taquine cette semaine, alors on finira cette émission avec Ludwig von 88 et le morceau Dame de Yinche. C'est sur l'excellent Tout pour le Trash, sorti en 1992. On retrouve aussi In the Ghettos, Club Med et Bagdad sous les bombes notamment. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à tous et tous, la tribu! Le matin, quand je rentre du boulot, je saute à pieds joints dans la dame de Yinche. Il sort délicatement jusqu'au couloir du métro. Je chante mon amour des trottoirs parisien. Et tous les soirs, quand je danse le chair, chanter, j'essuierai mes pieds.